C'est la chronique NFL avec notre ami Tony Gouzon ce samedi matin. C'est rendu une tradition. Salut Tony. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tony, on va commencer un petit peu par l'actualité dans la NFL. C'est pas encore confirmé, c'est encore une rumeur, mais ça travaillerait pour une transaction entre les Texans de Houston et les Dolphins de Miami, semble-t-il. Deshaun Watson serait sur le marché. La dernière fois que j'ai vu, c'était des rumeurs, c'était on parlait d'une transaction à trois équipes. Est-ce que Deshaun va se retrouver à Miami? Comme fan des Dolphins, j'espère que non. Mais non, ça va être une distraction terrible. Ça va Mais être. ouais, c'est ça. Mais en passant, en début de semaine, ils ont parlé de ces rumeurs-là, mais c'était pas vraiment confirmé. Mais là, il semblerait qu'il y a un journaliste des Texans, là, je pense que c'est McLean qui s'appelle. Lui, il commence à voir ça, là, mais j'espère pas. C'est comme tu dis, ça va être une distraction. Puis moi, ma crainte, c'est oui, Deshaun Watson, c'est un bon corps arrière, mais avec tout le problème qu'il y a avec au niveau accusation, tout ça, si jamais ils font l'échange, parce que l'enquête n'est pas terminée, puis la NFL n'a pas aussi encore confirmé son statut, parce que comme vous le savez, s'il se passe de quoi au niveau judiciaire, criminel, hors terrain pour le joueur, ben, la NFL aussi peut sanctionner. Donc, moi, ben, ma crainte, c'est j'espère, s'ils font l'échange, j'espère qu'ils ne donneront pas tous les actifs ou tout, parce qu'on a encore des bons choix de première ronde dans les prochaines années, mais Faut que ce soit une oh. transaction, si jamais ça la se fait, une transaction qui va à la performance de Sean Watson, une transaction conditionnelle à la performance de Sean Watson, c'est d'accord avec moi? Pardon, excuse-moi, j'ai pas S'il y a compris, une excuse. transaction entre les deux équipes, faut Oui. quasiment que ce soit une transaction qui va selon le rendement de Sean Watson. Tu commences tranquillement, puis que tu as des joueurs qui s'alignent, Ouais. tout dépendant du rendement de Sean, mais ce sera pas ça, Mais non, mais connaissant les Texans, ça a l'air qu'ils demandent pas mal aussi. là. Fait que c'est pas un win-win situation, comme on dit en anglais. Mais en tout cas, j'espère que c'est pas vrai parce que je sais que les Dolphins ont de la misère. Le coach hier, Brian Flores, vendredi, a dit oui, c'est notre corps arrière. Tu sais, je veux dire, la dernière défaite à Londres des Dolphins a fait vraiment mal, mais c'était pas la faute à Tua. C'est pas Même on nécessairement de sa commence. faute, hein, depuis le début de Non, l'année. c'est ça. Puis là, on commence aussi à pointer du doigt le coach, les coachings, le plan de match, les décisions des entraîneurs. Fait que, ah, je suis dommage là. C'est l'histoire des Dolphins. On connaît une bonne saison, puis après ça, on s'en va dans on s'en va dans un bas-fond, là. C'est la C'est ligne à vraiment l'attaque, hein, dommage. pas une grosse ligne à l'attaque, hein. Peu importe le corps Non, que tu mets là, non. c'est, t'sais, on n'en parle pas assez de la ligne à l'attaque, mais peu importe C'est ça. le carrière que tu mets là, si t'as pas de ligne à C'est ça. l'attaque, c'est marque que tu peux t'ajuster selon ton plan de match, là, mais. On est allé chercher des joueurs pour ça, mais ils exécutent pas, malheureusement. OK. La date limite des transactions, c'est bientôt, c'est le 3 novembre, je pense. Vois-tu bien des équipes bouger? Au football, c'est pas comme au Ouais. hockey. C'est très tranquille. Il va y avoir des petits échanges comme ça, mais des gros noms. Ben, la semaine passée, ils l'ont fait, là, c'est les Eagles qui ont envoyé le tight end, l'ailier rapproché, Zach Ertz aux Cardinals, là. Donc, on voit peut-être un gros nom de temps en temps, mais ce sera tous des échanges mineurs comme tels, mais c'est pas comme le hockey qu'on Non. voit, là. Donc, c'est très tranquille, là. C'est très difficile parce que, justement, au football, là, on négocie beaucoup les choix au repêchage, tout ça. Donc, les joueurs les équipes qui vendent sont très demandants, là, tu sais. OK. Dis-moi maintenant, on va y aller avec les matchs de la semaine dans la NFL. Donc, quel match qui est. Moi, je pense que le meilleur match, c'était les Bengals de Cincinnati contre les Ravens de Baltimore. Moi, c'est mon match de la semaine. En accord avec toi, il y en Ouais. a plusieurs qui mettent plus les Chiefs et Tennessee, mais ça c'est après, mais C'est il un match. faut. Ouais, mais c'est un match. C'est parce que Cincinnati sont surprenants depuis le début de la saison. Et là, c'est un gros. C'est vraiment le test, là. Ben, oui, tout à fait. Puis Cincinnati, ils surprennent, pas à cause de l'attaque, c'est leur défensive qui va très bien. Donc, mais c'est un match à suivre parce que, comme vous le savez, les gens, puis là, on va le voir, là, tu sais, les Bengals, on les voit pas souvent à la télé. Tu sais, c'est une équipe qu'on n'a pas tendance à suivre. Fait que là, vu que c'est vraiment le match de la semaine contre les Ravens, deux équipes, c'est un match de division, puis le gagnant va être au top de leur division. Donc, ça va être très intéressant. tu sais, Joe Burrow contre Lamar Jackson. Lamar Jackson des Ravens est en train de revivre sa saison MVP de Blood Coupe d'année. Ben, c'est parce que lui, je pense qu'il a après passé. Exact. Ça fait 2-3 ans qu'on essaie de souhaiter ça. Puis là, il commence. Puis qu'est-ce qui est très intéressant, il y a une statistique, c'est que il performe quand il a plus de temps à lancer le ballon, il est très efficace. Donc, les Bengals, la défensive, vont essayer d'y mettre la pression. Et de l'autre côté, il y a aussi la dernière fois, parce que c'est leur deuxième affrontement, Burrow, la dernière fois contre les Ravens, il s'est fait pas mal blitzer. Ils ont mis beaucoup de pression sur Burrow, puis ils ont dominé ce match-là. Mais là, cette année, Burrow aussi, contre le blitz, il est très, très, très efficace. Donc, c'est vraiment un match à suivre à 13h. En tout cas, c'est le match de la semaine. Puis cette semaine, je ne sais pas si tu as une liste, là, mais pas grosse la liste, parce qu'en plus, il y a 6 équipes qui sont en congé cette semaine. Donc, il n'y a pas grand match à surveiller, mais ça n'est un à surveiller. Ça. Effectivement. Tony, on se reparle même à même poste la semaine prochaine? Ben oui, bon week-end, bon football tout le monde. Collaborateur Tony Gouzeau.